Fun Radio. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You should want a bad b- like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? The hook scene where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. To blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is, in my be did the party. Swagger on super. I can shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. I swear I meant that there's so much to get that line and rewind. To get my money on time. If they got money, decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that. They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I be the I-G-G-Y. Put my name in ball. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. To blow. Trash the hotel. Let's get drunk on the minibar. Make the phone call. Feel so good, getting what I want. Yeah, keep on turning it up. Chandelier swinging, we don't give a fuck. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain it. Go trigger on a trigger light. I'm so fancy. Bon réveil sur Fun Radio, on démarre la journée avec Martin Solveig, le duo de Chainsmokers et Daya, ainsi que Kinvey, celle qu'il te faut, Môme et Aloha, et c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Elodie Ouedraogo et Kim Gevaerts n'est devancée que par la Russie. Mais aujourd'hui, l'une des athlètes russes vient d'être contrôlée positive suite à une seconde analyse de ses échantillons. Résultat, la Russie est disqualifiée. La médaille d'or devrait donc revenir à son dauphin, à savoir le relais belge. Mais ce sera la Fédération Internationale d'Athlétisme, l'IAAF, de prendre officiellement la décision. Et enfin, il y a 20 ans, le 17 août 1996, les corps de Julie et Mélissa étaient découverts à Sarre-la-Bouissière, 420 jours après leur enlèvement. Les deux fillettes de 8 ans enterrées par leur ravisseur Marc Dutroux seraient mortes de faim et de soif. Marc Dutroux, alors emprisonné, avait demandé à Michel Martin et Michel Lelièvre de s'occuper des fils, qu'aucun des deux ne fera. La Belgique entière doit alors faire face à l'horreur la plus totale, découvrant l'enfer dans lequel ont vécu ses enfants. Le peuple belge se mobilise pour montrer sa solidarité et son indignation face à l'échec de l'enquête. Plus de 300 000 personnes se rassemblent dans les rues de Bruxelles pour ce que l'on appellera la Marche Blanche. Le procès Dutroux débutera le 1er mars 2004 et se terminera le 22 juin. Marc Dutroux écopant de la rétention à perpétuité. Fun Radio. Dans un instant sur Fun, on démarre la journée avec Martin Solveig et Kinvey. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il Benjamin aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui il fera à nouveau très très beau, le temps sera à nouveau chaud et ensoleillé. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés sur les hauteurs ardennaises et seront compris entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Retour des infos à 6h30, le son Dancefloor continue sur Fun Radio avec Môme. Fun. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son Dancefloor et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. It's love. It's love. since I forgot he's good. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes à la maison. Dans quelques secondes, c'est Kid V, celle qu'il te faut que je vous balance sur Fun. Il est 6h06, soyez les bienvenus. Le temps pour moi de saluer toute l'équipe qui est au rendez-vous. Étienne à la réalisation, Benjamin aux infos et puis Coralie qui est présente comme chaque jour. Comment ça va Coralie ce matin? Ça va et toi? Mais écoute, très très bien, on est déjà mercredi 17 août, ça va très vite quand même. Hein. Ah oui, super vite. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée que faire un tour du côté de l'éphéméride? C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et nous sommes déjà milieu de semaine, mercredi 17 août 2016, Coralie. Et 230e jour de l'année, milieu de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Jeanne, à Shana et à Vanina. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nées ce mercredi 17 août. Tout le monde le connaît, Robert De Niro est né aujourd'hui. Thierry Henry aussi qui est un footballeur. Et Pierre Douglas qui est un journaliste français. Et puis aujourd'hui c'est la journée internationale du chat noir. Oui, la journée de valorisation du chat noir a été lancée pour sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs qui ont plus tendance à être abandonnés que les autres et pour inciter les gens à en adopter un. Et pourquoi ils sont fort abandonnés? Parce que... Bah, parce que les gens sont superstitieux. Et voilà, ils pensent que ça porte la poisse alors que et pas oui. du tout. J'en ai un chez moi, il est franchement magnifique, super. Je l'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute ce matin. Mon petit chipette qui me manque beaucoup. Les chats noirs donc, rien à voir avec la superstition. N'ayez pas peur, dans quelques instants c'est Sigala que je vous balance sur Fun. On fera un tour du côté de l'horoscope du jour. Et puis on vous explique comment repartir avec vos passes pour aller découvrir le wave karting de Côte Newport. Tout ça et bien plus, c'est après Martin Solveig et Kinvé avec Celle qu'il te faut sur Fun. Welcome. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance. J'aimerais faire ce rêve une réalité. J'ai peut-être mes défauts mais j'ai mes qualités. J'aimerais t'en savoir ce que tu penses. Même si à mes yeux c'est une évidence.

Et on démarre la journée ensemble sur Fun Radio les amis, 6h14. Dans quelques petites secondes, c'est le duo de Chainsmokers et Daya Don't Let Me Down qui arrive sur Fun Radio. Le temps pour nous, Coralie, de vous offrir des sessions de sensations fortes durant toute la semaine. On vous emmène emmène faire du wave karting avec toute l'équipe de Fun Radio. Si vous êtes fan de sensations, et ben c'est vraiment une activité qui est faite pour vous. Même si vous êtes un peu moins fan, parce que vous pouvez aussi un petit peu aller à votre guise. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est le wave karting, c'est un mélange de bateau et de jet ski. C'est ça. Donc c'est un bateau en fait à grande vitesse que vous pourrez conduire. Vous pourrez donc naviguer en mer à votre aise comme vous le souhaitez. Et si vous souhaitez nous accompagner pour faire cette activité, vous pouvez envoyer mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et surtout que nous on l'a testé, Coralie, et ça vaut le détour parce que toi qui es par exemple une grande aventurière et moi qui ne suis pas, on a trouvé notre bonheur dedans. Ah oui, c'est sûr, toi tu étais derrière, tu lâchais les mains, tu étais content, comme si un peu comme sur le Titanic. Tu dis ça comme si t'as envie. Et moi j'étais toute seule sur mon bateau, debout en train de kiffer sur les vagues. Ce sera testé donc durant toute la semaine. Pour vous inscrire, vous envoyez mer, MER par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et puis toutes les infos et vidéos dès maintenant sur le site internet www.funradio.be. Je compte sur vous. Dans un instant, c'est Soprano qui arrive, c'est Gala, ainsi que de Chainsmokers et Daya avec Don't Let Me Down sur Fun. Soyez quoi que vous fassiez, peut-être que vous êtes déjà direction le boulot, pas de panique. On vous accompagne en mode dance floor jusqu'à 9h avec dans un instant le DJ britannique Sigala Give Me Your Love, c'est ce qui arrive juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, tu as consulté les astres pour nous, que se passe-t-il du côté de l'amour pour les béliers? Comme hier, ouvrez l'œil car il y a bien de l'amour dans l'air. Les taureaux. Rien ne dit pour le moment que pour le moment vous allez être viré par votre patron ou votre partenaire, mais faites quand même très attention. Les gémeaux. Personne ne saura vous déranger, vous serez trop dans vos rêves amoureux. Les cancers. Ce mercredi est fait pour vous, pour que vous planiez au-dessus de la réalité. Les lions. Alors dans le domaine des sentiments, pensez à viser haut et frapper fort. Les vierges, Coralie. Un milieu de semaine durant lequel vous ne serez pas spécialement dans votre assiette. Les balances. Faites jouer vos pistons, ils ne sont pas là pour décorer. Les scorpions. Vivez intensément l'instant présent, demain sera peut-être différent. Et même sûrement ce sera différent. Les sagittaires. Vous fantasmez, vous idéalisez, vous embrassez et puis tout à coup vous vous réveillez. Arrêtez de rêver. En tout cas un horoscope plutôt difficile aujourd'hui. Ah, les capricornes. Le courant passe, voilà la bonne nouvelle du jour. Les Verseaux. Des erreurs de jugement vous glisser dans vos discussions et vous desservir. On termine avec les poissons. Il n'y a peut-être rien de palpitant côté cœur, mais pas de panique. Vous avez autant d'amis qu'il faut pour être de bonne humeur. Vous reconnaissez dans cet horoscope, vous avez envie de réagir à l'émission. Comment ça se passe pour rester connecté avec nous? Par SMS au 3044 et 50 centimes par message ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. On parle des records du monde aujourd'hui. On a plein de toutes sortes et plus extraordinaires les uns que les autres. On en parle juste après Soprano et Sigala avec Give Me Your Love sans Fun. Welcome. Maybe selfish, but it takes your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Le son Dance Floor continue dans un instant avec le DJ Nalandophone Lil Van Z. Cheat code, c'est ce que je vous balance dans un instant. Alex Jeremy sera aussi de la partie, mais juste avant, c'est Soprano et le diable ne s'habille plus en Prada sur Fun. Il est 6h23, vous êtes les bienvenus et on revient juste après ça. A tout de suite. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche. À gauche, Fab. Ou en fait, fallait peut-être aller à droite. La Happy Hour sur Fun Radio. Je viens d'acheter une télévision chez Vandenborg. Et vous savez quoi? Je peux encore retourner chez eux pour un conseil, une question ou en cas de problème après mon achat. Ils peuvent même m'aider par téléphone. Et si ça ne marche pas, Vandenborg viendra chez moi. Et si ma télé doit aller en réparation, je reçois un appareil de remplacement gratuitement.

dépasser son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève. La matinée continue en mode dance floor dans quelques instants avec Neil Vanzen, Cheat Code et Sex. On aura également Alex Jarmis et Sweet Afterglow, le tout dans un instant sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Bon mercredi sur Fun Radio, il est 6h30, on s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Anto, bonjour à tous. Il y a 20 ans, le 17 août 1996, les corps de Julie et Mélissa étaient découverts à Sarre-la-Bruissière, 420 jours après leur enlèvement. Les deux fillettes de 8 ans, enterrées par leur ravisseur Marc Dutroux, seraient mortes de faim et de soif. Marc Dutroux, alors emprisonné, avait demandé à Michel Martin et Michel Lelièvre de s'occuper des fils, qu'aucun des deux ne fera. La Belgique entière doit alors faire face à l'horreur la plus totale, découvrant l'enfer dans lequel ont vécu ses enfants. Le peuple belge se mobilise pour montrer sa solidarité et son indignation face à l'échec de l'enquête. Plus de 300 000 personnes se rassemblent dans les rues de Bruxelles pour ce qu'on appellera la Marche Blanche. Le procès Dutroux débutera le 1er mars 2004 et se terminera le 22 juin de la même année. Marc Dutroux écopant de la rétention à perpétuité. Et de 5 médailles pour la Belgique durant ces Jeux Olympiques de Rio. Yolinde Dor a décroché la médaille de bronze en omnium olympique en cyclisme sur piste. La Gantoise a remporté un total de 199 points lors des 6 épreuves. Elle est devancée par la Britannique Laura Trott qui s'empare de l'or et de l'Américaine Sarah Hammer. Et la Belgique empochera une nouvelle médaille jeudi soir puisque les Red Lions se sont qualifiés pour la finale olympique du tournoi de hockey. Ils ont battu les Pays-Bas 3-1 en demi-finale et affronteront l'Argentine afin, dans le meilleur des cas, de décrocher l'or et de porter le total médailles belges à 6, soit le meilleur bilan depuis Atlanta en 1996. Déception par contre pour Evie Vanacker, la Belge termine au pied du podium en voile. L'homme touché par des tirs de la police lundi soir à Gand ne se trouve plus dans un état critique. Âgé de 26 ans, il avait été emmené dans un état justement critique à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Une reconstitution des faits s'est déroulée hier et s'est principalement concentrée sur le rôle des policiers, étant donné que le suspect se trouve toujours à l'hôpital. Une vidéo amateur de l'incident montre comment la police a demandé à l'homme durant plusieurs minutes de poser son arme avant d'ouvrir le feu. Un expert en balistique qui a analysé les versions des policiers était notamment présent lors de la reconstitution. 82 600 personnes évacuées en Californie suite à l'incendie qui ravage la région. Blue Cut, à l'est de Los Angeles, est touché par un violent incendie depuis hier. 34 500 bâtiments sont menacés. L'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur de la région et concerne le comté de San Bernardino, environ 100 km à l'est de Los Angeles. Cet état d'urgence vise à mobiliser toutes les agences gouvernementales californiennes pour lutter contre les flammes. Parallèlement à cet incendie, le nord de l'état le plus peuplé des USA fait face à un autre brasier. Et dans le même temps, la Louisiane fait face à des inondations sans précédent. Selon les autorités, 8 décès sont à déplorer. Près de 40 000 maisons ont été affectées par cette montée des eaux causée par de fortes pluies d'orage et plus de 8 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement. Au total, plus de 20 000 habitants ont été secourus et évacués et un couvre-feu a été instauré afin d'éviter le pillage des maisons abandonnées. Dans un instant, le duo Calvin Harris, Rihanna, Neil Vanzen ou encore Cheat Code, c'est ce que je vous cale côté sur Dance Floor. Juste avant, on fait un point sur la météo. Benjamin, est-ce que le temps sera propice aux sorties ou au barbecue aujourd'hui? Bien exactement, on peut en profiter, on peut sortir la crème solaire, il va faire très très beau aujourd'hui. Les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés sur les hauteurs d'Ardennaise et sont compris entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. Prochaines infos à 7h, tout de suite le retour du son Dance Floor avec Alex Jarmis sur Fun Radio. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sweet as a girl. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. Sweet as a girl. I know, I took it upon myself. I can find a way to so far. Hey, I know I'm checking up on myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far away. h 37, vous écoutez Fun Radio, bienvenue. Et cheat code sexe, c'est ce que je vous balance côté son dance floor dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, de parler de records du monde, puisque c'est le sujet de l'émission. On s'est dit, purée, il se passe quand même des choses waouh dans le monde. Il y a des tarés qui ont envie d'essayer plein de choses exceptionnelles. Parce que vous allez voir, oui, on dit tarés, mais c'est humoristique, hein, parce que les choses sont tellement originales, tellement waouh, qu'on nous sommes impressionnés, nous, ici, quand on a préparé l'émission. Il y en a surtout de toutes catégories. Est-ce que toi, tu as un exemple, quelque chose qui t'a marqué une fois dans les records du monde? Oui, il y a quelque chose qui m'a marqué, et c'est un record du monde qui est un petit peu foiré d'ailleurs. C'est passé il y a deux ans je pense. Ouais. Et en fait l'homme voulait, le record du monde c'était de briser 10 vitres avec sa tête. Des vitres avec sa tête. Oui. Et en fait ça s'est passé. L'homme, ici la personne qui a testé, qui s'appelait Jésus, n'a pas réussi. Uh-huh. Et s'est même brisé le cou en voulant le faire, tu en m'étonnes. Fait. Donc voilà, c'est vraiment. Il est vivant, mais c'est vraiment le record du monde qui m'a marqué tellement ça avait été fou. Bah là, celui-là, il a fait un peu le flop. En tout cas, il y en a des dizaines qui ont réussi, les plus extraordinaires les uns que les autres. On vous en parle jusqu'à 9h. Vous d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu un record du monde qui vous a marqué ou une envie de vous surpasser dans un domaine spécifique? Faites-le nous savoir dès maintenant par SMS 3044 pour 50 centimes le SMS. On en parle juste après Cheatcoat et Sex sur Fun. Bienvenue. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.

Il est 6h44 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est le duo Calvin Harris et Rihanna qui arrive sur Fun Radio avec leur titre This is what you came for. Et bonne nouvelle, ça arrive juste après ça. Un problème sur la route, Summer Fun est là pour vous. C'est l'infotrafic sur Fun Radio. On fait un point sur nos conditions de circulation ce matin à 6h45. Que se passe-t-il sur nos routes ce matin, Benjamin, à Bruxelles et en Wallonie? Eh bien, absolument rien. Ah, c'est extrêmement calme, mais comme les derniers jours, on aura quelques ralentissements sur les autoroutes vers la mer et puis exceptionnellement dans le Limbourg avec le lancement du Puckle Pop aujourd'hui. Et soyez prudents, donc vous apercevez un ralentissement, un accident ou encore un objet encombrant, faites-le nous savoir dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. C'est ça aussi la fun solidarité de matin, hein, c'est qu'on puisse prévenir la Fun Family de ce qui se passe sur la route en Belgique. Et Coralie, on a une bonne nouvelle pour nos auditeurs parce qu'on vous envoie à l'avant-première du film qui va cartonner dès la semaine prochaine, c'est Le Correspondant. Ah j'adore, j'ai trop envie d'aller le voir en plus. Rien que la bande-annonce a vendu rêve. Ah ouais, ça va se passer le 23 août à l'UGC Toison d'Or. En présence de Jimmy Labeux en plus. C'est l'acteur principal. Oui, exactement. Il sera là juste après la projection et pendant la projection, évidemment. Vous pourrez le rencontrer probablement et lui poser toutes les questions que vous souhaitez à propos du film. Pour remporter, bien, pour tenter votre chance, vous écoutez Fun Radio et vous envoyez ciné dès maintenant par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et vous saurez directement par un petit SMS si vous avez ou pas les places pour l'avant-première qui auront lieu le 23 août à l'UGC Toison d'Or. Plus d'infos dès maintenant sur funradio.be. J'ai du bon son dancefloor pour vous également dans la suite avec la nouveauté de Sound of Legend. On aura également Madcon et Keep My Cool. C'est un de mes coups de cœur du moment et je vous le partage dans un instant. Juste avant, c'est Calvin Harris et Rihanna. Le tout, c'est dans un instant sur Fun. Dis devant ça. Ouais, Lemens. Est-ce que tu es prêt pour ta seconde cesse? Oh, je stresse un peu, mais... Ok, allez, complète les phrases suivantes. Carbonade, frites et... Mayonnaise. Bien. Pavé de saumon sauce. Tartare. Bien. De Vos, tu as réussi avec les félicitations de Curie. Ouais. La sauce Curie qui mère toujours des points. La voilà. De Vos, Lemens. À table. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Une rentrée moins chère plus une rentrée moins chère égale Cora. Tout le monde est d'accord? Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Je ne veux plus de ton amour. Fini, tout est fini. Je ne te reverrai sûrement jamais. Je préfère souffrir que faire subir mes sentiments sont sans intérêt. Je te donnerai Summer Fun. baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Fun Radio. Matt Con et Willy William. Fun Radio. Tester. Tu es tout le temps en train de faire en sorte que

Sur Fun Radio, soyez les bienvenus. Il est 7h07. Dans quelques secondes, on se fait plaisir avec Yal et Hundred Miles. Et juste avant, c'est Clean Bandit qui arrive sur Fun. Le temps pour moi de vous accueillir sur Fun Radio ce matin, ce mercredi 17 août 2016. Déjà, Coralie, la moitié de semaine. Et nous sommes le 230e jour de l'année, comme tu l'as dit, milieu de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Jeanne, à Shana et à Vanina. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce mercredi 17 août. Robert De Niro, tout le monde le connaît. Thierry Henry qui est un footballeur et Pierre Douglas qui est un journaliste sont nés aujourd'hui. Robert De Niro évidemment qu'on connaît pour son légendaire film Le Parrain. Vous aussi, vous avez envie de souhaiter l'anniversaire d'un de vos proches à l'antenne. Comment ça se passe Coralie? Il vous suffit d'envoyer Annie par SMS au 3044. On vous rappelle pour que vous puissiez vous souhaiter un bon anniversaire à vous, alors à l'un de vos proches. Et c'est la journée internationale du chat noir aujourd'hui. Oui, et la journée de valorisation du chat noir a été lancée pour sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs qui ont plus tendance à être abandonnés que les autres sont donnés à cause des superstitions, etc. Ah ouais, c'est ça. Et pour enfin inciter les gens à en adopter un. Alors que ça n'a rien à voir. Merci d'être avec nous sur Fun, il est 7h08 et Clean Bandit, c'est ce que je vous cale maintenant. Set me free, and my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light, and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling an exclusive version for Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me, Fun Radio. Visit my world, it has three shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the grey sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me, Fun Radio. With me, Fun Radio. Il est 7h14 sur Fun Radio. Dans un instant, on parle des records du monde, les plus originaux, les plus fous. Vous en avez un qui vous a marqué? Faites-le moi savoir par SMS au 3044. Juste avant, c'est une manière Don't Be So Shy qui arrive sur Fun Radio. Le temps pour nous d'accueillir Fabien Feyesh Coralie. Qui c'est Fabien Feyesh, si on veut préciser à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore? Eh bien, c'est une personne qui aime bien faire des canulars et piéger les gens. Donc, il appelle des particuliers au hasard, généralement par rapport à leur nom de famille ou alors un magasin qui a un nom un petit peu drôle. Uh-huh. Et il aime bien les énerver et encore les énerver jusqu'à ce que vraiment il pète un plomb. Est-ce que tu connais la bataille navale? Oui, je connais. Eh bien, justement, on en parle avec Fabien. Étroit dépannage, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Fabien Feyesh. Oui. J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que vous avez dit? B3 dépannage. B3? Vous oui, B3 dépannage. B3, eh ben non, dans l'eau. Dans l'eau, B3. Dans l'eau. Ouais, bah oui, c'est dans la flotte. À mon tour, je vais envoyer mon missile en D8. Ça vous amuse? Comment ça? Oui. Vous êtes en train de vous fuir de moi, là. Mais pas du tout. Pourquoi y a... Comme quoi? En D8, y a quoi? Y a pas un torpilleur? Y a quoi? Y a rien du tout, y a ta connerie, mon garçon, là. Fabien Feyesh qui sera retrouvé aux alentours de 7h40. Dans un instant, c'est le club buzz du jour, Coralie, qui va parler. Aujourd'hui, on va parler d'un homme complètement taré qui a fait un truc de fou dans un aéroport. Eh bien, on va savoir ça dans quelques instants. Juste avant, c'est Dua Lipa, ainsi que Kimani et Don't Be So Shy sur Fun. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My cologne, oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Il est 7h18, que vous soyez sur la route du boulot des vacances, vous écoutez Fun Radio, je peux vous le dire, vous avez fait le bon choix parce que dans quelques instants, c'est le titre Dua Lipa qui arrive sur Fun avec Odeur d'Andel. Et c'est juste après ça. Info, scoop, people, médias, c'est le club buzz sur Fun Radio. Et juste avant Coralie, c'est le club buzz du jour, c'est l'info qui a buzzé sur la toile hier. Ah oui, ça se passe du côté de Madrid aujourd'hui, dans un aéroport. Un passager complètement fou, et ah bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, il est vraiment complètement fou, a été en retard pour son vol et donc il a décidé de passer tous les points de sécurité de l'aéroport pour aller sur le tarmac courir après son avion. Il a couru derrière l'avion qui partait. Exactement, il a couru derrière l'avion qui était en train de changer de place pour décoller. Ah oui, ok. Et évidemment, il s'est fait arrêter. Il s'est fait un peu engueuler, le monsieur. Oui, il a réussi donc à passer les points. L'alarme a retenti pour mettre en personnel donc intervenir, mais assez tardivement pour certains, puisque l'homme a quand même réussi à se rendre sur le tarmac. Bon, pour finir la petite histoire, le passager a quand même réussi à prendre son vol. Ah, et ah bon, bon, il a réussi. C'est quand même assez rare que l'avion qui est déjà en mouvement s'arrête pour accueillir ce monsieur. Il s'est arrêté, bon, malheureusement, il a quand même été arrêté à l'atterrissage, mais il a été relâché évidemment. Heureusement pour lui.

journée démarre doucement mais sûrement sur Fun Radio Wake. Dans quelques secondes, la tuerie de Drake et One Dance. À 7h40 sur Fun Radio, vous êtes en vacances. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'être avec Drake dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on parle des records du monde qui aura lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme truc exceptionnel de record du monde à dire? Bah, on peut parler de l'homme qui a les plus grands pieds du monde. Parce qu'il est passé d'un 38 à un 46 en moins d'un an. 38 à 46. Imagine voir tes pieds passer d'un 38 à un 46. Et il faut savoir que maintenant il fait du 59. C'est pas possible. Ah, je t'assure que si. Moi j'ai déjà vu un gars qui fait du 51 et franchement, moi je fais du 46, c'est déjà très grand, mais 51, t'as l'impression de nager dans la chaussure. Déjà, moi je fais du 42, je trouve que mes pieds sont immenses. Bah, ta chaussure, qu'on ne voit pas évidemment à la radio, a l'air déjà immense comme ça. Oui. Alors bah, en plus du 59. Du 42, imagine du 59, c'est vraiment immense. Et moi ce qui me choque surtout, c'est le fait qu'il soit passé du 38 à 46 en un an. Non, ça doit faire mal. Déjà, quand t'étais petit et que tu grandissais, t'avais déjà super mal aux jambes, mais alors là. Je veux pas imaginer. Ça doit être super impressionnant. En tout cas, on continue à parler des records du monde avec vous dans un instant. Vous avez envie de réagir, vous avez envie de partager avec nous un record du monde qui vous a marqué. Ça se passe par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Juste avant, on accueille Fabien Feillège qui vient comme chaque jour et bien nous faire rire, Coralie, en appelant des inconnus au téléphone. Aujourd'hui, il appelle une société qui travaille dans tout ce qui est bataille navale. Écoutez. Métro dépannage, bonjour. Bonjour madame, je m'appelle Fabien Feillège. Oui. J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que vous avez dit? Métro dépannage. B3? Vous oui, avez... B3 dépannage. B3, eh ben non, dans l'eau B3. Dans l'eau. Ouais, bah oui, c'est dans la flotte. À mon tour, je vais envoyer mon missile en D8. Ça vous amuse? Comment ça? Oui. Vous êtes en train de vous fuir de moi là? Pas du tout. Pourquoi y a... En D8, y a quoi? Y a pas un torpilleur? Y'a quoi, y'a un... Y'a rien du tout, y'a ta connerie mon garçon là. B3 dépannage, bonjour. Recoucou, c'est Fabien Feillège. Encore vous? Oui, moi je vais envoyer mon missile en case E7. Touché ou collé? Attendez, vous avez rien compris là. Votre missile, vous voulez l'envoyer où je pense, d'accord? Et moi j'en ai absolument rien à foutre de votre connerie. Vous croyez que j'ai que ça en foutre moi? J'ai un métier. Oui. Au revoir monsieur. E7, touché ou collé? Cool avec ton bateau, ton missile, tout ce que tu veux. Salut. B3 dépannage, bonjour. Coucou, c'est Fabien Feillège pour la bataille navale. Attends. Oui, quoi? Va te faire foutre avec ta barque et tes bateaux et ton missile. Dégage. Mais j'ai pas de barque, moi j'ai un porte-avions. Mais ton porte-avions qu'il est, au diable, toi et ton porte-avions, mais va te faire foutre. B3 dépannage, bonjour. Coucou, c'est Fabien Feillège. Encore vous? Oui, dites-moi. Non, c'est bon, y'a même pas de casse pour ces jeux-là. Allez, au revoir, mais... ne commence pas, ne rappelle pas. Mais non, mais parce que vous avez pas trouvé mon croiseur, il est en 4 cases. Et je vous donne un indice, il est en 4 cases. Ton croiseur, mais tu te le fous, je pense ton croiseur, mais va au diable avec ton croiseur, missile, ton bateau, tout ce que tu veux. Oh, mais je comprends pas, parce que moi je vous dis, il est entre la case A6 et la case G8. Qui c'est ton patron? Mais je vais te choper, toi, t'as vu tout. Fabien Feillège qui nous a évidemment encore beaucoup fait rire aujourd'hui. Il reviendra demain aux alentours de 7h40. On appelle l'un ou l'autre d'entre vous dans quelques instants, Coralie, pour souhaiter l'anniversaire d'un proche. Comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message pour qu'on souhaite un anniversaire à vous, alors à l'un de vos proches, et je vous rappelle tout de suite derrière. Et on continue à vous lire également sur Facebook sur la page de Summer Fun. Juste avant, c'est Drake et One Dance qui arrivent à 7h44 sur Fun Radio. Bienvenue. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance.

fuck. She a swan like a sign dollar, where you a go do? Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm in center forever. Yeah, please, baby, don't leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Baby, girl, please, please, please, please, please. Baby, don't leave, baby, leave. You got that booty, booty, boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Allez, c'est parti, on démarre la journée ensemble sur Fun Radio. Il est 8h07, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous avez fait le bon choix, je peux vous le dire. Car dans un instant, c'est Alan Walker que je vous cale côté sur Dance Floor. Le temps de commencer avec les éphémérides, Coralie. Nous sommes le mercredi 17 août 2016. Oui, et le 230e jour de l'année, milieu de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Jeanne, à Shanna et à Vanilla. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars en est également ce mercredi 17 août. Robert De Niro, que tout le monde connaît, l'acteur français. Ainsi que Thierry Henry, qui est footballeur. Et Pierre Douglas, le journaliste. Et puis la journée internationale du chat noir, c'est aujourd'hui. Et oui, la journée de valorisation du chat noir a été lancée pour sensibiliser le public à la grande cause des chats noirs qui ont plus tendance à être abandonnés que les autres, et pour inciter les gens à en adopter un. Alors parce que justement ils sont superstitieux et donc ils le mettent dehors, alors que ce n'est pas du tout vrai les amis. Dans un instant on continue à parler des records du monde. Ça se passe par SMS au 3044. Juste avant c'est Alan Walker sur Fun. If we had a choice, anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melody stuck inside your head. Quoi de mieux pour démarrer la journée qu'écouter Fun Radio? Il est 8h10, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, c'est ce que je vous balance dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, d'appeler l'un ou l'une d'entre vous. On appelle Julien qui a 25 ans et qui habite au Tigny. Salut Julien, comment ça va bien ce matin? Ça va, très bien, et vous? Bah écoute, très très bien, on va parler des records du monde aujourd'hui avec toi dans un instant. Et juste avant, j'ai une très ouais. très très bonne nouvelle pour toi. On t'envoie du côté de la mer du Nord pour essayer le wave karting, bravo! Ouais! Waouh, super! Tu vas pouvoir nous accompagner, accompagner toute la Team Fun Radio pour essayer ça. Et oui, le wave karting, si jamais tu sais pas encore trop ce que c'est une sorte de bateau jet ski qui va assez vite, qui peut monter jusqu'à 60 km/h. Tu seras lâché en mer avec un moniteur qui sera là pour bien te sûr. Surveiller, mais tu pourras un petit peu faire ce que tu veux et tu pourras en plus venir avec la personne de ton choix. Ah, super, c'est extraordinaire. Je te fais des bisous, Julien. Bon retour du côté d'Otigny. Puis n'hésite pas à rester hors antenne pour qu'on prenne tes coordonnées. Et puis, Coralie, on a encore des places à vous offrir à 9h15. Et puis ce soir, non, c'est que du fun. Exactement. Et pour vous inscrire, vous pouvez envoyer mère par SMS au 6322. C'est 1€ par message. On fait le tirage au sort à 9h15. Et puis toutes les infos et vidéos dès maintenant sur funradio.be. Dans quelques instants, on a encore du cadeau à vous offrir. Ce sera le Battle Fun du jour. Le principe, reconnaître un extrait qu'on va vous diffuser dans un instant. Juste avant, c'est Eva Simons qui arrive, Alex Godino, ainsi que la bombe du moment. Il cartonne. On le voit partout sur les réseaux sociaux, il explose son compteur YouTube. Avant ça, il débarque sur Fun. Voici le beau et talentueux Justin Timberlake à 8h12. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance, dance, dance, feel like good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Just imagine. 8h16 sur Fun, Eva Simon, Ciné Samson, c'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour nous parler des records du monde, les amis. Par exemple, j'ai fait une petite recherche par rapport aux records du monde liés à la bouffe, parce que là, c'est vrai que c'est toujours très très drôle. On a par exemple la portion géante de salade de fruits. On kiffe tout, c'est la salade de fruits. Et bien là, c'était en 2014, où à Vienne, en Autriche, on a réalisé la plus grande salade de fruits jamais faite. C'était plutôt exceptionnel. Ils ont d'ailleurs distribué juste après, et bien, aux patients ou encore aux associations présentes. On a la même chose avec la plus grande sculpture de chocolat, Coralie. On a vu la photo et franchement, ça donne super envie. Il a fallu un mois pour faire cette grande structure. Elle a quand même 4000 kilos de chocolat dessus, c'est quand même assez impressionnant. Ah oui. Et c'est Patrick Roger, qui est un Français, qui l'a fait. Et d'ailleurs, elle a été réalisée sur une hauteur de 10 mètres, c'est quand même plutôt pas mal. Vous aussi, vous avez des records du monde qui vous ont un peu marqué, des records que vous avez vous aussi, pourquoi pas, envie de réaliser. Ça se passe dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, ou encore via la page Facebook de l'émission. On appelle Sandra ce matin, qui a 30 ans et qui habite Hattes. Salut Sandra, comment ça va bien ce matin? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce que tu as pris? Mais écoute, très très bien, la journée démarre bien avec le meilleur de son dance floor, du beau temps, génial. On va appeler pour toi aujourd'hui Cathy qui a 32 ans. C'est qui Cathy pour toi? C'est ma meilleure amie. C'est ta meilleure amie et elle fête donc ses 32 ans aujourd'hui. Est-ce que tu lui as dit qu'elle allait passer sur Fun ou c'est vraiment une vraie surprise? Oui, je lui ai dit. Ah, tu lui as dit. Je te propose de lui souhaiter maintenant. Ok, d'accord. Salut Cathy, comment ça va ce matin? Je vais bien, merci. On a quelqu'un qui est avec nous par téléphone, elle s'appelle Sandra. Oui, salut Cathy. Ouh, bonjour Sandra. Ça va? Le moment d'échange. Le moment d'échange, super mignon. Sandra. Et nous Cathy, on se joint à Sandra pour te souhaiter un... Bon anniversaire. Merci. 32 ans, ça se fête évidemment ma Sandra. Qu'est-ce que tu as prévu de beau aujourd'hui Cathy pour ces 32 ans? Bah, je vais travailler toute la journée. Bah, c'est bien. C'est un beau cadeau d'anniversaire en tout cas. Je vous fais des bisous les filles, vous avez la pêche, ça me fait super plaisir. Vous avez vous aussi envie de souhaiter l'anniversaire d'un proche, Coralie, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message et je vous rappelle juste derrière. Et bah Simon, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Alex Godino sur Fun à 8h18. And if you like this, you can follow me. So let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me, we can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known. Destination unknown. Destination unknown, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known, known Fun Radio. Hi, it's Ava Simmons. Let's go. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Fun. The song dance floor. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Sur Fun Radio, le meilleur de Sundance Floor, ça se passe cet été évidemment, avec dans quelques secondes Cachemire et Wildcard côté Sundance Floor. Le temps pour nous, Coralie, de vous envoyer du cadeau à la maison. On vous offre une place pour aller visiter le parc Dinan Aventure. Dinan Aventure qui vous propose plein d'activités, dont des ponts singes, promenades nature, laser game, VTT, téléphérique, tyrolienne et encore beaucoup d'autres activités que vous pourrez faire entre collègues, entre amis ou encore des challenges en famille pour les plus audacieux. Et pour ça, on va jouer au Battle Fun. Pour participer, c'est très simple, on va vous passer une chanson qui a été modifiée par notre réalisateur Étienne et vous devez reconnaître le titre ou l'artiste et nous l'envoyer par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et franchement, aujourd'hui, Coralie, c'est plutôt facile, écoutez. Avec comme indice, un duo français. Est-ce que tu as retrouvé toi, Coralie? Ah oui. Alors, on va réécouter une deuxième fois, écoutez bien. À gagner des places. Pour le parc Dinan Aventure, vous avez la bonne réponse. Vous l'envoyez dès maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS. Bonne chance. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor.

que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbiamos con él, lloras casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío, pero no te llena tu corazón, sigue vacío. Pero conmigo rompe la carretera, bandoleras en tu vida y algo que no sirve, sácalo pa' afuera. A ti nadie te frena, la super guerrera. Yo sé que tú eres una fiera, dale, sácalo pa' afuera. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento. Je m'appelle Anto et je vous accompagne jusqu'à 9h sur Fun Radio avec dans quelques secondes Milo à 8h38. Le temps pour nous de rappeler, Coralie, le principe du Battle Fun Express. On vous passe une chanson qui a été modifiée par notre réalisateur Etienne et vous avez, votre but c'est de retrouver le titre ou, ou l'artiste qui chante la chanson justement. Évidemment. Et l'envoyer par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Pour repartir avec Vos places pour Dinan Aventure. On écoute. Avec des indices, duo français. Et là, super facile, on ne voit jamais leur visage. On réécoute une deuxième fois, allez-y, ça se passe par SMS au 3044. Pour 50 centimes le SMS. Vous pensez avoir la bonne réponse? On vous attend, on appelle, pardon, là, on l'une d'entre vous dans quelques secondes. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et puis Coralie, tu as fait pour nous un petit tour du côté des activités sympas à faire à Bruxelles et en Wallonie. Et on commence avec une activité plutôt sympathique. Une balade comptée au flambeau, un échange entre histoire et petite histoire, entre conteuse et archéologue, pour redécouvrir le site de Crèvecœur et la ville médiévale de Bouvignes. Et ça se passe dans quel coin? Place du Béliage numéro 16, un 5500 Bouvignes-sur-Meuse. Et un site internet sur lequel on peut retrouver des infos. www.mpmm.be. Là, on change complètement d'endroit, on part du côté de Morlanwe. Une activité autour du Japon pour les promis, pour les familles. Donc ici, je vous propose de faire connaissance avec des objets japonais issus des collections proposées par le Musée Royal de Mariemont. La classe. La visite sera poursuivie par un atelier créatif et un atelier origami animé par Michael David, aussi appelé le Lotus Rouge. Et c'est ouvert à toute la famille, j'imagine? Oui, c'est à partir de 5 ans. Et c'est 2€ par participation. Oui. Plus d'infos sur internet, évidemment. www.musee-mariemont.be. Merci beaucoup, Coralie. L'agenda du jour est à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun. Dans un instant, on appelle là l'une d'entre vous, juste avant, c'est Maître Gims et Milo sur Fun à 8h40. Bienvenue. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico. Sushi in Tokyo. I wanna be where you are. Driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. is the summertime. Take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, have dinner in Sicily. Be who you wanna be, right where you wanna be. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Oh, howling at the moon. Oh, howling at the moon. Pour bien démarrer la journée, qu'écouter Fun Radio avec à 8h43 Maître Gims, c'est Ma Beauté qui arrive dans un instant. Le temps pour nous de réécouter le Battle Fun de jour. Le principe c'est très simple, vous devez reconnaître l'artiste ou encore le nom de la chanson. Avec comme indice aujourd'hui un duo français auquel on ne voit jamais leur visage. Écoutez bien. Et on a eu beaucoup de réactions de Coralie par SMS au 3044. On a sélectionné Jordan qui a 22 ans et qui habite Charleroi. Salut Jordan. Salut. Comment ça va bien ce matin? Ça va et vous? Mais très très bien. Qu'est-ce que t'as prévu pour cette journée de mercredi? Bosser. Je commence dans deux petites minutes là. Justement, J'ai une bonne nouvelle pour toi avant de partir bosser. Tu repars avec ton entrée pour Dino Aventure. Bravo. Ouais. Ah super, merci. On va corriger ensemble. Est-ce que tu as reconnu, évidemment, bah oui, on l'a dit, hein, les Daft Punk, c'est One More Time. Oulala, qu'est-ce que je viens de dire, hein. One More Time, le titre à retrouver. Pourquoi tu rigoles? J'avoue qu'aujourd'hui c'était pas très difficile. C'était pas très difficile, hein. C'était plutôt sympa. En plus, on connaît les Daft Punk, ils ont cartonné sur chaque single qu'ils ont pu sortir. Je te fais des bisous Jordan, merci de nous avoir écouté ce matin. Vous aussi, vous avez envie de jouer avec nous et de remporter plein de cadeaux, c'est très simple. Vous restez à l'écoute de Summer Fun avec dans quelques secondes encore des idées de sortie à vous offrir. On partira du côté de Forestia. J'ai des entrées pour vous. Alors restez bien branchés, ça arrive dans un instant sur Fun. L'Happy Hour revient le 22 août avec toute son équipe. Accrochez-vous parce que ça fait 2 mois qu'ils n'ont plus lâché de conneries. Et ça va faire mal. Par contre, il leur faudra des chaises plus solides parce qu'ils ramènent avec eux tous les kilos qu'ils ont pris pendant les vacances. La Vie Hour sur Fun Radio. L'auto présente le mois de Wowout. Semaine 3. Une copie conforme du scénario de la semaine 2. Avec chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Waouh! Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouer au loto. Chérie, t'as mis le réveil? Oui, 4 heures du matin. Oh, génial! Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. To me.

bon réveil sur Fun, il est 8h54. On se fait un petit souvenir dans la suite avec le duo Justin Bieber et Nicki Minaj, Beauty and a Beat, c'est ce qui arrive. Juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. On va parler de Forestia aujourd'hui, un parc à d'aventure et animalier. On reçoit Noémie Hénin ce matin avec nous pour en parler. Salut Noémie. Oui, bonjour. Comment ça va bien ce matin Noémie? Ça va très bien, merci. Alors, mais écoute, très très bien. Tu es venu nous parler aujourd'hui du parc Forestia. Alors en quelques mots, comment on pourrait le décrire ce parc? Alors ben, en quelques mots, c'est vraiment un parc 100% nature, donc qui est situé à la frontière des Ardennes, je veux dire à peu près de Spa. Et c'est un parc qui a trois activités majeures, donc à la fois un parc animalier, c'est vraiment un parc avec des animaux de nos climats, donc pas de show animalier et pas d'animaux exotiques. Oui. Un parc aventure avec maintenant 10 parcours dans les arbres et 2 tyroliennes géantes et un mur d'escalade avec 12 voies d'escalade, donc 6 pentes murs dans la forêt, donc c'est vraiment unique en Belgique, et 6 murs d'escalade, et 12 voies d'escalade. C'est vraiment l'endroit où on peut y passer une journée en famille ou entre amis et s'éclater. Ah oui, vraiment, il y a vraiment moyen d'occuper toute une journée, parce qu'on a aussi un très chouette resto avec une grande plaine de jeux, il y a des animations à l'enclos des ours et à l'enclos des loups, donc il y a tout à fait moyen de passer une journée complète, mais il y a aussi moyen de venir pour une après-midi sans souci, puisque une fois qu'on prend l'entrée pour le parc aventure, on a l'accès parc animalier qui est offert, et on refait les parcours autant de fois qu'on le souhaite, donc il n'y a pas du tout de timing précis, une fois qu'on paye son entrée, on accède à toutes les activités autant qu'on le veut, donc voilà. Oui, et c'est ouvert à tous les âges? Voilà, c'est vraiment un parc très très familial, puisqu'il y a beaucoup de familles avec des tout petits enfants, surtout au niveau du parc animalier et de la plaine de jeux. Il faut savoir que chez nous, le parc aventure est déjà accessible à partir de 2 ans. On a un tout petit parcours qui s'appelle le parcours fourmi, où on ne donne pas vraiment de matériel aux enfants, on leur met juste un petit casque pour donner un petit parfum d'aventure. C'est comme un petit parcours vita. Et puis alors, tous les parcours aventure commencent réellement à partir de 4 ans. Donc il y en a 2 à partir de 4 ans, puis 2 à partir de 5 ans, puis après à partir de 8 ans. Puis on a 6 parcours adultes, dont un parcours très très aventurier, un parcours plus commando comme on l'appelle, et une tyrolienne géante de 120 mètres. Et le mur d'escalade, lui, commence à partir de 8 ans. Alors je vois qu'il y a plein de choses qui vont se passer ici à la rentrée 2016, notamment, je vois qu'on peut nourrir les loups soi-même. Non, c'est pas nourrir les loups soi-même. En fait, donc on a deux choses un peu particulières cette année. D'accord. Parce qu'il faut savoir, la grande nouveauté 2015, c'est qu'on a transféré les ours dans un tout nouvel enclos en semi-liberté. C'est un enclos de 12 000 m2, donc c'est immense, c'est vraiment leur environnement naturel, c'est très joli. Et là, tous les jours pendant les congés scolaires et tous les week-ends à 14h, on a une petite animation sur les ours avec une soigneuse ou un soigneur qui vient donner des explications et qui répond aux questions des gens. Et on fait la même chose pour les loups. Donc une animation tous les jours pendant les congés scolaires et les week-ends, ça c'est à 15h. Mais alors de temps en temps, on a vraiment un spécialiste en Belgique qui s'appelle Thibaut, qui est chez nous depuis quelques années maintenant, et qui vient nourrir les loups. Donc il les attire simplement avec des morceaux de viande pour que les loups viennent plus près des gens. Mais bon, il y a un grillage entre les deux, je vous rassure. Et là, il donne des explications sur le fonctionnement de la meute, il répond aux questions des gens. C'est vraiment très très intéressant, ça a beaucoup de succès. En tout cas, tout ce que vous proposez a l'air en tout cas super intéressant, puisqu'on peut mélanger à la fois découverte, plaisir et passion, Coralie. Exactement. On a peut-être Alors en fait, on a aussi le Brame du Fer. Je le dis toujours, mais on a une activité, une animation Brame du Fer. Oui. Enfin, toutes les infos vont être sur Facebook et sur le site internet. C'est ce que j'allais dire, oui. Est-ce qu'on a des coordonnées sur internet pour retrouver plus d'infos? Oui, donc notre site internet c'est www.forestia.be et on a une page Facebook, c'est simplement Forestia dans le moteur de recherche de Facebook, et une page Forest Bar, ça c'est pour le resto, le petit restaurant qui est très, pas si petit que ça, et c'est un resto qui est ouvert le soir aussi, qui est très sympa, donc ça vaut la peine d'aller voir. Eh bien écoute, on va regarder tout ça, on va publier d'ailleurs tous les liens dès maintenant sur la page Facebook de l'émission, et grâce à toi Noémie, on vous offre des places pour aller justement découvrir le parc animalier de Forestia. Pour tenter votre chance, très simple, vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Summer Fun, vous likez la page, vous partagez le statut, et vous commentez en commentaire avec qui vous aimeriez aller. Tirage au sort demain. Merci beaucoup Noémie, à très bientôt. Merci. Excellente vous, journée à toi, à très bientôt. Dans un instant les amis, on change complètement de registre. On passe avec Justin Timberlake, avec Nicki Minaj, Beauty and the Beat, c'est ce qui arrive à 8h59 sur Fun. Welcome. Your money.

La Une prend le contrôle de Fun Radio dans quelques secondes avec Soprano et le Diable ne s'habille plus en prana ainsi que Jennifer Lopez et Ain't Your Mama. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous avec cette journée qui démarre? Eh bien, d'excellentes nouvelles, le temps nous sera à nouveau chaud et ensoleillé. Il faudra en profiter demain, retour des nuages. Mais aujourd'hui, les maxima seront proches de 22 ou 23 degrés sur les hauteurs ardennaises et seront compris entre 24 et 26 degrés dans les autres régions. À midi, c'est Carlo qui vous informe. Moi, je vous retrouve demain dès 6h. Tout de suite, c'est Lost Frequencies sur Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son Dance Floor. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Salut, c'est Lost Frequencies. Beautiful Life. Tous mes nouveaux titres, vous les découvrez en premier sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son Dance Floor. Wherever you wanna go, I follow. Mountain high and river low, I follow. La journée démarre bien sur Fun Radio à 9h10 avec dans quelques petites minutes Jennifer Lopez et Ain't Your Mama sur Fun. Le temps pour nous de recevoir Robert qui a 36 ans et qui habite à... Comment ça va bien Robert ce matin? Ça va. Tu as envoyé un petit SMS au 3044, tu as envoyé mère au 6322 pour 1€ le message. Et Coralie, est-ce qu'on a une bonne nouvelle pour lui? Eh bien, tu étais tiré au sort parmi tous les participants pour venir avec nous faire du wave karting. Bravo Robert. Super, un grand merci à vous. Tu vas pouvoir tester cette bonne dose de sensations fortes du côté de la mer du Nord. Ce sera avec toute l'équipe de Fun Radio en plus Coralie et nous on l'a testé, c'est franchement génial. On adore un max de sensations, on est lâché en pleine mer, tu pourras conduire ton bateau, monter à plus de 60 km/h et profiter de la journée avec toutes les personnes de Fun Radio. Et d'ailleurs ce qui est sympa c'est qu'il y a encore des places à offrir ce soir. Oui, entre 17h et 20h vous pourrez aussi tenter de repartir avec vos places pour venir faire du wave karting avec nous. Pour ça vous pouvez déjà vous inscrire et envoyer mer par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et puis on a les cadeaux à vous offrir sur la page Facebook de Summer Fun, rendez-vous-y dès maintenant. On vous offre des places pour aller découvrir le parc Forestia cette semaine. Alors rendez-vous dès maintenant, vous partagez, vous likez et vous commentez toutes les infos dès maintenant sur Facebook. Quant à nous Coralie, on se retrouve demain pour eh bien Summer Fun, évidemment une nouvelle émission dès 6h. Logique, hein, Loïc qui est à côté de nous, qui rigole bien. On n'a pas encore rebaptisé le nom d'émission, tu vois. On est encore là pendant plus d'une semaine et demain on parle des cocktails de l'été parce qu'on adore faire la fête, on adore sortir. J'adore. Vous avez des cocktails préférés, vous avez des cocktails un peu insolites, ça se passe dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. D'ici là, c'est Loïc qui débarque sur Fun Radio.